qu'un seul but et une arme dans ma destinée. Je repense à ceux qui m'ont rabaissé, m'ont sous-estimé. Une seule chose, le respect, il faut que ça reste inné. Pas dans l'alcool ni dans la cam, non je les laisse dealer. Une odeur d'échec m'empêche de respirer. Je les prends de haut, je pense qu'à ma foire et je les ferai crier. Il t'a trompé, fais-lui un doigt qu'il laisse perpiner. Moi je veux mon place dans le métro comme Edgar Quinet. On jette les cartes de nos vies, puis on s'écarte de nos villes. Parce que l'État nous opprime, vendetta poussée au crime. Je suis comme un cascadeur, j'aime vivre dangereusement. Je veux pas qu'on me casse la gueule, j'ai mon ange heureusement. Mais qu'est-ce qu'on fait debout, nous qu'est-ce qu'on fait de bon. On parle sur lui, sur elle, mais qu'est-ce qu'on fait de notre temps. Il manque des bouts de ficelle pour joindre les deux bouts. Tu veux monter, réussir, qu'est-ce que tu fais sur ce banc. J'ai du sang dans le regard, me parle pas sur ce ton. J'ai eu peur quand j'ai cru te perdre, ça m'a fait sursauter. Un jour j'aurai mon étoile, je serai ce boy surcoté. Trop souvent mis à l'écart, j'ai mes rêves sur le côté. Je veux le premier exemplaire, te serrer sans te plaire. Briller sans te perdre, moi je suis gris sans cœur. Je veux que mes biens s'en battent, que mes galpilles s'entassent. Que les filles s'emballent, gros midi leur je manque d'astre. Pas très fort en escalade, y'a plus rien dans les talages. Puis t'es pas là, tous ces câlins, tous ces débats n'emmènent pas large. Rarement dans ces talages, t'es pas revu dans les parages. La goutte de trop dans la carage, je veux une vie tiens et comme ta race. Certaines personnes qui traitent ma race, si je pars bon débarras. Tous ces bâtards qui se pavanent à faire les schlags de toute panade. Ce petit con qui joue le parrain, qui se fait planter tout ça pour un stick. Qui veut se donner un style, c'est pas le cœur mais c'est un hein. Touché avec toute ta panoplie, des feuilles, tes nouvelles. Ça fait pas au cheat, économiste et pas au chill. T'as des dettes, la sangle au cou, te prends pour au Sangoku. Je ressens ton doute, ça trop semble beaucoup de cacher tes larmes, te passer tes dards et gâcher des pages. Dans le fond, t'étais pas seul, car j'étais là. Je parle seul, je m'étale, vous n'auriez pas l'heure. Je suis du père à cette heure-ci, j'ai plus trop de valeur. Faudrait que je vous parle. Mon marchand, ça me vend des armes, me fait du charme, et ça depuis des années. Je la ramène, non sérieux, je te jure, c'est salé. Un jour ou l'autre, je vais caner. J'attends pas d'être mort pour planer. C'est éphémère, je le savais. Des salades, des sables le savaient. C'est salade, c'est un salam à celui qui a retourné sa veste. J'escalade le mur du son à l'instant même. T'aimes c'est cool, t'aimes pas bah j't'emmerde.